J'en fais main le matin sur le bord de la fenêtre de l'hôtel. J'en fume deux, le vent dans les cheveux au ciel. J'en fume trois, mais je pense à nous deux, je pense à toi. J'en fume quatre, et c'est là que je commence à être taille. Et je fly, et je fly, et je fly, et je fly, et je fly. Le bord de la fenêtre de l'hôtel, j'en fume deux. Le vent dans les cheveux au ciel, j'en fume trois. Mais je pense à nous deux et je pense encore à toi. Donc j'en fume quatre et je recommence à être live. Et je fly, et je fly, et je fly, et je fly, et je fly. Thank you.